Allô, allô, bienvenue au Lobster 7.0 de la semaine du 20 août 2018. Je suis de retour de mon petit voyage tantrique dans l'espace, puis je vous rapporte des bonnes nouvelles. Je viens de lire un article qui parle que Star Trek Next Generation revient. Pour ceux qui n'ont pas lu la nouvelle du 6 août, la voici. La nouvelle s'appelle « Jean-Luc Picard est de retour ». Patrick Stewart, celui qui joue le rôle de Jean-Luc Picard, a surpris les Trekkies ce week-end en montant sur la scène de la Star Trek Las Vegas Convention pour annoncer qu'il reviendrait bientôt dans le rôle de Jean-Luc Picard. Pas au sein de la série Discovery, mais bien d'un nouveau show qui sera concocté par Alex Kurtzman, le co-scénariste du reboot de J.J. Abrams en 2009 et derrière la série en cours en tant que producteur exécutif. L'acteur ne livre pas de détails sur cette nouvelle série. Il se contente de préciser qu'elle racontera le prochain chapitre de la vie de Picard. Mais son interprète a partagé sur Twitter un message à ses fans pour justifier ce retour surprise. Il disait entre autres « J'ai hâte de travailler avec notre brillante équipe créative pour donner vie à une nouvelle histoire inattendue et pertinente. » Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je trouve que les épisodes de Star Trek sont de la bonne télé. Sans être un Trekkie, je peux dire que j'aime ça. Cessez le feu! Kerr! Oui? Cessez le feu! Réfléchis bien à ce que tu fais. L'immeuble est entièrement encerclé. Aucune issue. Il y a près de 200 hommes dehors avec des M16. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour déclencher ta petite guerre. Tu as fait assez de dégâts. Cette mission est terminée, Rambo, tu as compris? Cette mission est terminée. Regarde ces types dehors. Regarde-les bien. Si tu n'arrêtes pas maintenant, ils vont te tuer. C'est ça que tu veux. C'est terminé, Johnny. C'est terminé! Rien n'est terminé! Rien! Dans les moins bonnes nouvelles, malheureusement, j'ai lu qu'il y aurait probablement une suite à Rambo. Rambo, Sylvester Stallone va quand même avoir 72 ans. Mais au moins, l'histoire va être adaptée pour son âge. Le synopsis que j'ai lu semble assez intéressant tout de même. Le voici. Rambo, rendu inapte et invalide suite au mauvais traitement qu'il a reçu au Vietnam, est placé dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée de New York, où un groupe d'anciens combattants, jouant au bridge, pratiquant la danse en ligne et roulant à bord de quadriporteurs, essayeront de lui imposer leurs règles. Forcé d'avaler des purées de patates trop salées qu'il n'apprécie pas et contraint d'écouter Fox News tous les jours dans la salle communautaire, ses sévices ne mettront pas longtemps avant d'énerver sa fibre sensible. S'échappant de sa chambre à la faveur de la nuit, à l'aide d'une marchette pliante et équipée d'une couche le protégeant des gros dégâts, Rambo sera recherché par le personnel soignant dans la cour arrière du CHSLD où il trouvera refuge. Traqué sans merci, grâce au bracelet GPS dont tous les bénéficiaires sont munis, il se réfugiera dans le cabanon du jardinier où un tracteur à pelouse muni d'un moteur Bridge & Stratton de 10 forces et un coupé à gaz lui permettront de mener sa petite guerre contre le prolétariat médical. Donc c'est ça, ça promet vraiment d'être bon, à voir au cinéma absolument. Thank you. is dark and gray. Uneasy, I feel torn apart. My mind is clouded and blurred. This city is interchanging. Sacrifice! Memories past! Unaware of what I've become! Cette semaine, c'était les Perséides, cette période de l'année où on a des bonnes chances de voir des étoiles filantes dans le ciel. Samedi le 11, j'ai pu en voir 4 durant les 30 minutes que j'ai été à l'extérieur. Encouragé, le lendemain, je me suis bien installé, des gros coussins sur le sol pour bien voir le ciel. J'avais aussi chargé une application sur mon iPhone, Skyview. Ça m'a permis de situer Mars et Saturne dans le ciel. Ensuite, j'ai vu Vega, qui serait la deuxième étoile brillante, la plus brillante dans le ciel. Puis après ça, j'ai attendu. Pas besoin de rien pour voir les étoiles filantes. Juste un petit peu de chance, un ciel dégagé puis deux bons yeux. Moi, j'en ai vu 7 en une heure, dont 4 qui étaient particulièrement belles, des étoiles filantes qui traversaient le ciel, pas au complet, là, mais disons que j'avais le temps de compter dans ma tête 1 et 2. Je devais tourner la tête pour les suivre, signe qui a duré longtemps. Donc, deux soirées d'observation agréables. Puis tant qu'à parler des Perséides, je me suis dit autant vérifier à quoi ça correspond exactement. Puis, eh bien, les Perséides, c'est une pluie d'étoiles filantes visible de la Terre. Cette pluie de météores est constituée des débris de la comète Swift-Tuttle. Puis ces débris, ils ont une taille qui est comprise entre celle d'un grain de sable et d'un petit pois. Quand même, moi j'aurais cru que c'était plus gros que ça. Les plus anciennes observations des Perséides remonteraient à l'an 36. Le mot Perséide provient du grec et est en lien avec Persée. Puisque la traînée d'étoiles filantes semble provenir de la constellation de Persée, leur nom est devenu Perséide. À Rome, dans le temps, ce phénomène portait le nom des larmes de Saint-Laurent, en l'honneur d'un martyr qui est mort autour du 10 août, au moment du pic d'étoiles filantes dans le ciel. Donc, la prochaine fois que vous verrez une étoile filante en août, vous penserez à Laurent de Rome et à la façon qu'il est mort. On l'avait attaché sur un grillage avant de le faire cuire lentement au charbon, un genre de barbecue de curé. L'histoire de la religion catholique cessera jamais de me surprendre. Preuve est faite que visages dévots et pieux actions nous servent à enrober de sucre le diable lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne châtie pas! Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous? Qui? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que, et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je le vois. De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation, je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Oh, d'accord. Mais en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona. Voilà! Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la volition. Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle, elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit

fou. L'impression que mon cours ralentit. J'ai plus de repères, je suis perdu. Depuis que tu n'as plus de batterie. Vous n'avez pas vu vos amis depuis 2 mois. Votre vie est digitale. LOL. De retour, je sais pas trop pourquoi, mais mes lectures sur les perséides m'ont fait bifurquer sur les différents types de calendriers qui existent. Mais j'ai bifurqué là-dessus, puis je me souviens que quand j'ai écrit mon livre, Le jeu de la reine, que je m'étais aussi questionné sur la question du calendrier à suivre dans mon livre, si j'en inventais un ou y aller avec le standard. Puis en faisant mes recherches sur le sujet, j'étais tombé sur le calendrier républicain. C'est un calendrier qui a été créé pendant la Révolution française, puis qui a été utilisé seulement de 1792 à 1806. Donc, pas longtemps. Donc, sans vous faire l'histoire de ce calendrier, qui est sûrement intéressante pour les historiens, mais qui n'évoque aucune passion pour moi, c'est le nom des mois qui est choisi dans ce calendrier que je trouvais intéressant de vous partager. Alors que les noms dans notre calendrier grégorien sont plutôt plates, novembre, septembre, décembre, voici les noms inspirants qu'on retrouve dans le calendrier républicain. Pour les mois d'automne, on a Vendémiaire, Brumaire et Frimaire. Fait que Vendémiaire, c'est pour la période des vendanges. Brumaire, c'est la période des brumes et des brouillards. Frimaire, la période des frimas. Ensuite, les mois d'hiver qui ont une terminaison en rose, qui en latin veut dire doté de. Donc, on a Nivose, donc période de la neige. Il y a Pluviose, la période des pluies. Et Ventose, la période des vents. Après ça, on enchaîne avec les mois de printemps, germinal pour la période de germination, floral, période de l'épanouissement des fleurs, plairial pour la période des récoltes des prairies. Puis finalement, on tombe sur les mois d'été, on a mésidor pour la période des moissons, thermidor, période des chaleurs, et fructidor pour la période des fruits. Ensuite, alors que dans le calendrier grégorien, les prêtres avaient assigné à chaque jour de l'année la commémoration d'un prétendu saint, eh bien dans le calendrier républicain, ils ont plutôt décidé de redonner place aux objets du quotidien qui sont une richesse nationale. Donc, si on regarde le premier Vendémiaire en automne, est consacré au raisin, le 2 au safran, le 3 à la champagne. Le 5 décembre, le jour de ma fête, correspond au chevreuil. Ceux du 25 novembre, qui se trouve à être le 5 frimaire dans ce calendrier, bien, votre journée est sous le signe du cochon chanceux. Bon, en terminant là-dessus, un fait intéressant sur notre calendrier actuel, eh bien, Jésus semblerait être né avant lui-même. D'après les historiens modernes, Jésus-Christ semblerait être né, selon le calendrier, en l'an 5 ou 7 avant Jésus-Christ. Étrange, mais simple à expliquer. Sa naissance a été déterminée par le religieux romain Denis le Petit, puis ça aurait été fixé à l'année 1 du calendrier chrétien. Puis cette estimation, qui a été basée sur des travaux pas toujours exacts et incomplets, eh bien, serait faux d'environ 4 ans. Donc, l'année de naissance de Jésus est même pas réellement connue précisément. Et pour le choix de sa date de naissance, le 25 décembre, ça n'aurait pas été choisi par hasard, mais pour évangéliser plus efficacement les foules. Car avant, cette date était réservée à la célébration d'un culte païen destiné à célébrer le solstice d'hiver. Donc, en choisissant le 25, ça permettait de convertir cette fête autour du solstice d'hiver en fête autour de Jésus. Donc, bien des mensonges et du flou encore quand on parle de religion. Donc, le mieux reste encore d'adorer les fleurs, d'idolâtrer les abeilles et d'embrasser les arbres. on est sûr de ne pas se tromper. Au travers de la verdure, baigné par la grâce de toutes ces floraisons, flâne ici, rêve là. Laisse-toi masser par la brise d'été qui t'envoie tous ses parfums en effluves délicats ou assaillants. Rêve ici, flâne là. Achevé par l'histoire, Myriam dans le noir, Myriam pour un soir, achevé sans effort. Myriam est la mort, Myriam pour son corps. Femme étrangère, mélodrame, en plein désert, Myriam, elle préfère grammes de somnifères. À gauche des soupirs, la chair et les plaisirs de la facilité. Elle bouge, elle respire, le calme pour sortir de la réalité. Myriam et son désir de se réaliser, achevé par l'histoire. Dans le noir, Myriam pour un soir, achevé sans effort. Myriam est la mort, Myriam pour son corps. Une femme passagère, ses larmes coulent à l'envers. Myriam, éphémère, ses charmes tombent à la de la facilité. Elle bouge, elle respire, le calme pour sortir de la réalité. Myriam et son désir de se réaliser, achevé par l'histoire. Myriam dans le noir, Myriam pour un soir, achevé sans effort. Myriam est la mort, Myriam pour son corps. Regarder l'autre recevoir, goûter au-dessous du miroir, sans vraiment y croire, après il est toujours trop sembler une chose difficile à faire, mais ce serait tout de même un jeu d'enfant, une bagatelle comparativement à enrayer la soif au lac Saint-Jean. Toute l'année à regarder cette étendue d'eau, les Janois se disent devant ce tableau, s'il y a tant de liquide dans cet immense trou, c'est qu'il n'y en a peut-être pas assez en nous. Alors terrorisés par la perspective de mourir de déshydratation sur la rive, pâle et tremblant les habitants du lac se rendent au dépanneur pour s'acheter un six-pack. Tout le monde connaît à Saint-Félicien le pouvoir des potes à Noël Fortin. Quand on les choses, on peut se mettre bien chaud et on reste debout comme un poteau. Voilà Peter Paul qui chancelle, mais dès qu'il met les potes de Noël, il se met à marcher bien droit devant. Il se met même à marcher sur le lac Saint-Jean. Arrivé au milieu du lac, les lancers deviennent plus slack. Fuck Peter! Peter Paul perd sa botte drette et le taouin tombe dans l'eau frette. La mort emporte notre pauvre homme sous et dans l'eau dont il aimait si peu le goût. Sa dépouille infuse et en un rien de temps, le taux d'alcool du lac monte à 40%. Oh oh! Boire autant et avoir si soif, telle aurait été son épitaphe. C'est la mort pour vrai. Le cadavre du bleuet ivre, dans sa macabre dérive, passe devant le contingent des nageurs participants à la traversée du lac Saint-Jean. Poussé par la vague immense, soulevé par les nageurs les plus en avance, c'est la mort qui le premier atteint la ligne d'arrivée. La foule en délire acclame la victoire du corps sans âme, et sous les hippies bourra, l'orchestre entonne le Haut Canada. Au Canada, ben voyons donc, intigné par une telle provocation, notre homme ressuscite et se rue sur la fanfare, prouvant que le séparatisme n'est pas encore mort. Peter Paul décime l'orchestre au grand plaisir de la foule en liesse, puis il s'en va direct à la brasserie pour terminer la brosse qui n'avait pas fini. Lors du bain du Baby Duck, Peter Paul a chanté avec son groupe de rock, puis il a dansé jusqu'au petit matin avec d'un pied les bottes à Noël Fontaine. Quand ils sont morts, Peter Paul et tous ces bleuets équipés d'alcool, leurs fantômes iront pour toujours boire de la bière au bord du village fantôme de Val-Jalbert. Moi qui viens de Ville-la-Salle, je n'aurais pas une mort aussi idéale. J'irai probablement manger de la semoule avec les fantômes des Sikh et des Tamouls. Mais je garde dans le cœur des sentiments chaleureux pour les gens du lac Saint-Jean, les Tremblés, les Fortins, les Langevins et Peter Paul qui chante ce refrain. Cette semaine, j'ai lu un article sur les métiers qui n'existent plus. On ne se passerait plus de certaines technologies. Eh bien, certaines de ces innovations ont remplacé certains métiers. Par exemple, le placeur de quilles. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un métier. Aujourd'hui, les bowlings sont automatisés, mais il y a été un temps où il fallait le faire manuellement. Et hors de question que cette tâche soit effectuée par les clients. Il existait des planteurs de quilles chargés de repositionner les quilles, un petit boulot souvent occupé par des adolescents. Un autre métier disparu, celui-là lié à l'ancêtre du texto. Bien avant que Internet ou les téléphones intelligents entrent dans nos vies, pour simplifier nos communications, nos contemporains s'envoyaient aussi des messages, mais en code morse. Mais le métier de télégraphiste a bien sûr disparu. Un métier que moi-même j'aurais pas soupçonné, un caillouteur. Les caillouteurs étaient chargés de tailler les silex pour en faire des pierres à fusil, c'est-à-dire des pierres de silex qui étaient placées dans le chien d'un fusil pour en produire la détonation. Une profession qui s'est définitivement éteinte à la fin de la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu le réveilleur. C'est un métier un peu moins détonnant que le précédent, mais plus dérangeant. Il s'agit d'un des petits métiers parisiens d'antan. Les réveilleurs et réveilleuses étaient chargés de réveiller leurs clients avant la démocratisation du réveil mécanique. Cailloux, cris, bâtons, sifflets, tout était bon pour réveiller les dormeurs. Dans le même style et à la même époque, l'allumeur de réverbère. Les allumeurs de réverbère avaient pour mission d'éclairer les rues en allumant les lucarnes, qui étaient à l'huile ou au gaz. L'arrivée de l'électricité a bien sûr sonné la fin de cette profession. Maintenant, un métier pas si lointain, le laitier. C'est celui qui livrait tous les jours le lait aux maisons. En effet, le lait devait être consommé quelques heures après la traite. La profession a disparu avec les nouvelles techniques de réfrigération. Aujourd'hui, c'est le livreur d'Amazon qui passe chaque matin. Je me souviens que nous, chez mes parents, on avait un boulanger. Il passait une fois par semaine à la maison, il nous vendait du pain et surtout des petits gâteaux. Je me souviens pas s'il apportait aussi le lait, si c'était un laitier, mais moi je me souviens juste des bons petits gâteaux Vachon qu'il apportait. Ensuite, il y a la marchande de plaisir. Non, c'est pas ce que vous pensez. Encore nombreuses au 19e siècle, les marchandes de plaisir étaient en réalité des vendeuses ambulantes de pâtisseries que l'on nommait des oublis. Puis le dernier métier disparu que je vous parle cette semaine, c'est le mendiant. À une autre époque, il passait par les maisons et était respecté. Dans d'autres pays, par exemple en Bretagne, le titre de mendiant figurait même sur l'acte civil, signe que c'était important. Je me souviens que mon père m'a raconté des histoires de mendiants du temps de ses parents. Une fois par année, habituellement l'été, le quêteux remontait le rang Pérignie à l'Anse Saint-Jean. Mon père, que j'ai appelé pour en parler, m'a dit que le quêteux s'appelait Sénéchal. Il n'était pas très bien habillé, puis il avait la particularité d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Donc, quand il marchait, son corps montait et descendait à chaque pas. De plus, il marchait toujours avec les mains dans le dos, ce qui lui donnait un air sévère. Puis les enfants y étaient bien avertis de ne pas le taquiner, puis de surtout pas l'énerver, car il pouvait devenir malin et se fâcher. Donc, dans ce temps-là, les gens du rang s'occupaient bien de leur quêteux. On lui offrait toujours un bon repas et du linge s'il en avait besoin. Même s'il se présentait presque toujours dans un accoutrement qui suggérait la misère et la privation, quelquefois des rumeurs plus ou moins fondées parlaient d'une fortune qu'il aurait pu mettre de côté, ou de pouvoirs spéciaux, parfois maléfiques, qu'il aurait pu avoir. Comme la maison de mes grands-parents était la dernière du bout du rang et qu'il fallait au quêteux toute la journée pour s'y rendre, il était pas rare que mes grands-parents lui offrent aussi le gîte pour la nuit. Donc, la profession du mendiant fait partie d'une époque qui est maintenant bien révolue. Ce petit bout d'homme devait avoir 5 ans en 1953. Ce devait être en mai ou en juin de cette année-là. Il était seul dans la cuisine, alors que sa maman était dans la salle de bain. Elle lui avait dit « Fais pas de mal! Il a fait chaud cette semaine, maman va prendre un bon bain! » Alors qu'il s'amusait à faire bouger une patte de lièvre en tirant les tendons secs, l'on frappa à la porte. Se dirigeant à la porte pour ouvrir, un grand monsieur lui demanda au travers du moustiquaire de la porte « La charité, pour l'amour du bon Dieu! » Excité, le jeune homme commença à crier « Maman, maman! C'est le monsieur qui demande la charité pour l'amour du bon Dieu! » Sa mère, de répondre de son bain, « Va dans la chambre, prends le petit porte-monnaie sur le bureau et donne-y une petite scène blanche. » Exécutant l'ordre à la lettre et le plus vite possible, le petit bout d'homme, sa tâche exécutée et le mendiant repartit, retourna devant la porte de la chambre de bain pour dire à sa mère « Le monsieur y est reparti! Il fait dire que le bon Dieu va toutes nous bénir! » Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message. D'abord, j'ai perdu des amis. J'ai perdu du temps. Ensuite, j'ai perdu toi aussi. Pourtant, Dieu sait que dans ma vie, tu fais la pluie et le beau temps. Je sais plus comment les attraper. Les mains qu'on me tend. Bien sûr que je voudrais m'arracher des bras de la solitude qui m'enlacent trop souvent. Si mon cœur est en verre, comment voir à travers? Franchement, je sais pas moi-même ce que je ressens. Je sais pas comment je vais faire, non. J'assiste à mon propre enterrement. Je n'ai pas besoin de fleurs. Je veux qu'on m'offre des jours meilleurs. Car rien ni devant ni derrière, non. J'en fais le serment. La douleur, je préfère en rire. Toute façon, y'a rien à dire. Alors je la porte fièrement. Bientôt, je me lèverai de mon lit pour marcher un peu. Adieu, jolie mélancolie. Je veux plus de toi dans ma vie, t'as trop traîné dans mes yeux. Mes yeux tatoués de nuit blanche se ferment pour toi. Des souvenirs en avalanche, et c'est l'effet boule de neige qui me ramène dans tes bras. J'ai le cœur en hiver, longtemps que j'ai paumé le printemps. Je sais pas vraiment ce qui m'attend. Je sais pas comment je vais faire, non. J'assiste à mon propre enterrement. Je n'ai pas besoin de fleurs, je veux qu'on m'offre des jours meilleurs. Car rien ni devant ni derrière. J'en fais le serment. La douleur, je préfère en rire. De toute façon, y'a rien à dire. Alors je la porte fièrement. Pardonnez-moi si je vous ai lâché. Pardonnez-moi, j'étais écorché. Je pense mes plaies une à une. Et tout ce temps que j'ai semé. Et tous ces mots qui m'ont sonné. J'avance blessée, mais sans rancune. Je ne sais pas comment je vais faire, non. J'assiste à mon propre enterrement. Je sais pas comment je vais faire, non. M'en sortir, j'en fais le serment. La douleur, je préfère en rire. De toute façon, y'a rien à dire, alors je la porte fièrement. Je sais pas comment je vais faire, non. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire, non. Je sais pas comment je vais faire. Cette semaine, je travaille sur un nouveau projet. Je suis en train d'écrire une bande dessinée. J'ai les 12 premières pages d'écrites. Le sujet, pour l'instant, il faut que ça reste secret. Car dès que j'ai un 40 pages de prêt, je dois prendre contact avec des gens pour ce projet. Il y a des questions de droit d'auteur. Donc, je vous en reparle bientôt. Mais c'est un projet qui m'excite bien gros. C'est sûrement en descendant au chalet au Saguenay que l'idée m'est montée dans la tête. C'est souvent là que je fais germiner mes projets. Moi, je trouve pas le trajet long. J'ai toujours du plaisir à conduire et à recevoir des contraventions parce que je roule trop vite. Mais j'ai toujours mes cahiers de notes sur le siège passager et souvent, quand les idées montent, je les écris dans mes petits cahiers. Puis quand j'arrête pour dîner, souvent je bonifie tout ça. Puis quand je reviens de mes voyages, ben j'ai toujours des petits carnets remplis d'idées. Donc c'est ça, pour la BD que j'écris, je prévois une BD assez volumineuse. Pour l'instant, j'ai l'idée en tête et je travaille de la façon suivante. J'ai écrit les 12 premières pages sur mon ordi, description et texte. Puis là, je suis en train de mettre le tout sur papier, de dessiner le concept, mais vaguement, car moi, je ne suis pas dessinateur. C'est juste pour me rendre compte, en plaçant les choses dans les cases, si ce que j'écris se place bien, si ça punch, puis de dessiner le concept aussi me fait penser à des choses que j'ajoute. Des éléments graphiques souvent me viennent en tête, donc tout ça m'aide à mettre ça sur papier. J'ai fait pour l'instant le montage pour les 7 premières pages, donc j'avance comme ça. De la façon que je vois ça, si ça marche, ça va être un partenariat avec un dessinateur qui n'est pas choisi pour l'instant, puis l'équipe qui a les droits d'auteur. Ça se peut que ça marche pas. Je mène à terme environ un projet sur 5 habituellement. Donc, je verrai bien si celui-là aboutit, mais pour l'instant, ça m'amuse. Chip, chip, chip, chip, tune. We'll be right back. Voilà, on approche déjà de la fin du Lobster 7.0. En ce moment, il fait tellement beau à l'extérieur ces temps-ci que dès que j'ai fini de travailler, je m'installe dehors avec tout mon stock puis je travaille jusqu'à la noirceur. Puis quand il fait trop noir pour travailler, là, j'écoute des émissions sur mon ordi. Hier soir, j'écoutais Family Feud, le genre de guerre des clans en anglais. J'écoutais juste les meilleurs moments. On trouve ça sur YouTube. C'est pas mal drôle. Ça n'a rien à voir avec notre guerre des clans en français. En anglais, les questions sont souvent ratoureuses pour générer des réponses embarrassantes. Puis l'animateur, lui, s'amuse de tout ça. Ça mène à des situations plutôt ridicules. Donc, si vous avez du temps à perdre, je spécifie bien du temps à perdre, car il n'y a pas une once d'intelligence dans cette émission-là, mais c'est à écouter pour s'amuser. Donc, Family Feud Best Moment sur YouTube. Pour terminer notre savoureux Lobster 7.0, je vous laisserai pas partir sans une petite lecture de BD. Cette semaine, je suis allé chercher la BD Pierre Tombal dans ma collection. Dans cette série, Pierre Tombal est une personne qui travaille dans un cimetière. C'est lui qui s'occupe d'enterrer les morts puis s'occupe d'eux. Voici à quoi ressemblent les petites histoires qu'on retrouve dans cette BD. Ça commence comme si on voit quelqu'un qui approche, qui a un sac dans les mains, qui dit « Pour l'annonce dans le journal, c'est bien ici. » Là, on a Pierre Tombal, qui est à côté sur une croix avec sa pelle, qui dit « Oui. » « C'est pour vous? » « Non, pour elle. » Là, Pierre Tombal, il pointe vers la mort. Puis là, la personne qui venait d'arriver a dit « Ben, vous rigolez? » En ai-je l'air? Puis là, la personne, elle demande « Je ne comprends pas. » Normal. Venez, je vais vous expliquer. Fait que là, Pierre Tombal, il l'amène dans le cimetière, puis il lui montre un bâtiment en ruine, puis il dit « Vous voyez la chapelle là-bas? Elle y a fait aménager une salle de musculation. Chaque fin de mois, la mort a décidé d'y venir pour se remettre en forme. Ainsi, ce matin même, elle a commencé par quelques exercices d'assouplissement. » Puis là, on voit la mort qui fait des exercices. « Ensuite, elle s'est mise au poids et haltères. » Fait que là, on la voit, elle lève sa faux, elle la descend. Puis au vélo aussi. Puis après ça, une heure de jacuzzi. Puis là, on voit la mort qui est toute chétive, qui est dans un jacuzzi avec quelque chose sur la tête qui lui donne un air assez ridicule. Et enfin, elle a passé un peu de temps entre les mains d'une esthéticienne pour les soins du visage. Puis comme vous la voyez là, elle vient juste de terminer sa remise en forme. Enfin, presque. Mais qu'est-ce qu'elle attend encore? Vous? Moi, mais pourquoi? Ben, vous êtes pédicure, à ce que je sache. Puis là, la personne, elle sursaute dans les airs, puis elle dit « Vous ne voudriez tout de même pas que je m'occupe de ses pieds? » Puis là, Pierre Tombal, il répond « Mais si! Essayez de vous mettre à sa place. Elle voyage énormément. Et vous la voyez se présenter chez les gens avec un ongle incarné. Ça ferait mauvais genre. » Fait que là, les deux, ils regardent, puis l'homme qui est arrivé pour les soins, il est découragé. Vous n'y pensez pas sérieusement? Moi, non. Mais elle, si. Puis là, il demande. Elle paye? Non. Oh, oulala, dans ce cas, désolé. Puis là, Pierre Tombal, il laisse s'éloigner un peu, puis il rajoute. Mais elle vous rend juste un petit service. Puis là, l'homme, il arrête d'avancer, puis il dit. Oh, un service? Lequel? En moins d'un an, vous avez bien fait une thrombose, 6 malaises cardiaques et 2 infarctus? Comment savez-vous ça? C'est elle qui me l'a dit. Il dit jusqu'à présent, elle s'est montrée plutôt conciliante à votre égard. Dieu seul sait s'il le sera encore la prochaine fois. Vous n'y pensez pas sérieusement? Là, tu vois que venant des tombes à côté, il y a des gens qui crient « Lui non, elle si! » Puis là, la personne elle demande « Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? » Puis là, Pierre Tombal, il dit « Ce qui vous arrive à vous en ce moment. Elle leur a donné une chance, mais ils l'ont toutes refusée. » Puis là, la personne a dit « Ben n'empêche, vous ne montrez pas de la tête qu'il s'agit d'un odieux chantage. » Puis là, on le voit qu'il est en train de faire une pédicure à la mort. Puis Pierre Tombal, il dit « Allons, essayez de voir les choses du bon côté. Vous êtes le seul en ce bas monde à pouvoir jouer avec ses pieds sans qu'elle en prenne ombrage. » Ouais, mais tout de même. Puis là, l'homme, il a les pieds de la mort dans les mains, puis c'est pas très beau à voir. Une autre histoire. Tu vois, dans la première case, il y a Pierre Tombal qui marche avec un de ses amis. C'est quelqu'un qui s'occupe d'un crématoire. Puis là, la personne du crématoire a dit... Je rêve. Pierre Tombal répond... Non. Puis là, on voit la mort qui est en train de jouer aux échecs avec une personne vivante. Pierre Tombal dit... Certaines personnes aiment ainsi à jouer avec la mort. Puis là, on voit la mort qui réfléchit. Elle prend son chevalier, puis elle bouge. Puis là, l'humain en face d'elle, on voit qu'il y a de la sueur qui coule dessus. Puis là, c'est à son tour, il bouge une touche, puis échec et mat. Puis là, il se met à rire, puis il rit de la mort. Puis là, Pierre Tombal dit... Mais malheur à elle, si elle vient à perdre, ne fut qu'une seule fois. Fait que là, tu vois qu'ils rejouent ensemble, mais là, cette fois-là, la personne a perdu. Puis là, on entend le bruit. Puis on voit que la personne s'est fait couper le fil de la vie. Puis là, ça dit... La mort n'accorde jamais de revanche. Jamais. Puis là, tu vois Pierre Tombal qui va enterrer le corps. Une petite dernière pour terminer. Ça commence, on voit Pierre Tombal qui est en train d'enterrer quelque chose. Puis à côté de lui, il y a un vieil homme qui se tient sur une canne. Puis il ressemble à un marin. Puis une vieille barbe blanche. Puis là, l'homme, il dit... Dire qu'il y a quelques années, j'ai vécu une étrange aventure avec elle. Puis il regarde en direction de la mort qui est assise sur un tombeau. Pierre Tombal, il demande... Que s'est-il passé? J'étais marin pêcheur. En ce temps-là, nous avions quitté le port et mis le cap sur Terre-Neuve. Nous voguions depuis une bonne partie de la nuit. Cette route-là, je l'avais fait des dizaines de fois. Mais ce jour-là, j'étais inquiet. J'avais comme un pressentiment. Je sentais que quelque chose allait se passer, que certains ne reviendraient pas. Il me semblait que la mort avait embarqué avec nous. Un moment, j'ai même cru la voir accoudée à l'avant du navire, trempée par les embruns. Là, on voit qu'il y a des vagues autour du navire. Et soudain, la tempête s'est levée. Et en un instant, notre rafio devint le jouet des vagues. Puis là, tu vois que le bateau, il est sur le sommet sur la crête d'une vague. Les lames se fracassaient sur le pont, balayant tout sur leur passage. Puis là, tu vois les hommes de l'équipage qui se tiennent un peu partout. Et ce qui devait arriver arriva. Une lame plus haute et plus puissante que les autres nous prit par le travers. Puis là, tu vois une grosse vague qui arrive, attrape le bateau, puis le renverse à l'envers. Puis on voit le bateau qui coule, puis on voit les requins autour. Et la lame nous envoya par le fond. Lorsque je revins à la surface, je compris tout de suite que j'étais le seul survivant. Je pensais ma dernière heure arriver, quand soudain, là, devant moi, ballotté par les éléments déchaînés, une barque. Fait que là, on voit un petit bateau qui approche de l'homme. Et dedans, elle, la mort. Puis là, tu vois la mort qui attend la main, puis elle attrape le monsieur, puis elle l'embarque dans le bateau. Pendant qu'elle me tendait une main décharnée pour m'aider à monter à bord, je me disais que j'avais eu raison de penser qu'elle avait bel et bien embarqué avec nous pour accomplir sa tâche. L'heure avait sonné pour tous mes compagnons. Sur le coup, je me suis bien gardé de poser la question qui pourtant me brûlait les lèvres. Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? La tempête dura tout le jour et une grande partie de la nuit suivante. Puis, la mer redevint calme. Puis là, tu vois le capitaine du bateau qui est assis, qui est en train de naviguer, puis la mort qui est assis en avant avec sa faux. Pendant tout ce temps, elle resta là immobile, sans prononcer une seule parole. Parfois, elle me regardait, semblant épier le moindre de mes mouvements. En bon marin, j'ai dirigé la barque me servant des courants, me fiant à la position du soleil et du jour. J'utilisais les étoiles et la nuit. Et puis un jour, enfin, après des semaines de dérive... Là, on voit leur bateau, puis on voit une île au loin. J'ai encore assez de force pour tirer l'embarcation sur la plage avant de m'évanouir. Quand je repris connaissance, j'étais seul. La mort avait disparu. Là, on est revenu dans le cimetière. On voit Pierre Tombal. Puis le marin dit... Le temps a passé. Je me suis souvent posé la question. Je me la pose encore maintenant. Pourquoi diable m'a-t-elle épargné cette nuit-là? Puis là, Pierre Tombal, il répond. Je crois pouvoir y répondre. Puis là, on voit la mort qui a le visage, puis qui claque des dents. Elle écoutait l'histoire, puis là, Pierre Tombal, il dit. Elle avait besoin de quelqu'un pour regagner la terre ferme. Elle ne sait pas nager. Fait que voilà, c'est tout pour le Lobster 7.0 cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui ont le goût, vous me laissez un message dans le site du Lobster sur Facebook. Sinon, ben, prochaine écoute la semaine prochaine. Au revoir! Is this a place that I call home? gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. When your eyes turn down, they don't know what they heard. Something much bigger down, giving love to the world. We gonna let it burn, burn, burn, burn, burn, burn. Can't put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out, out, out. When your eyes turn it down, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud. We gonna let it burn, burn, burn, burn, burn.